sur le front, c'est pour Marseille, pas pour soldat magie. Je te parle de ma ville, pas comme les autres imaginent. On agit pour que les billets s'agitent dans la machine à cash. Pendant que mon cousin se fait tabasser par des couleurs d'affiches. On se demande plus si la justice interférera. Les bagues policières augmentent le chiffre d'affaires d'Interflora. Loin de l'opulence, le 13 c'est Hala, laisse tomber. Nous on tire pas sur l'ambulance, mais les petits caillasses, les pompiers. Complexe identitaire depuis l'époque de Starmania. L'emballage est raciste, mais commercialisant encore banania. Pendant que les 3/4 de la France souffrent et que les rues s'emportent, ils se demandent s'il faudrait supprimer les menu sans porte. C'est comme ton voisin raciste qui agit comme un sale con, qui laisse le drapeau français étendu sur son balcon. H24 que monsieur s'étend, on a compris qu'il est chez lui, qui s'étonne pas que les petits cons pour le faire chier lui casse la vitre. Je me casse pas la tête pour le refrain, je fais yeah yeah yeah. Ça a peut-être rien à voir mais je fais quand même yeah yeah yeah. Comme Young M, yeah yeah. Je refais yeah yeah yeah. Quand je t'écoute pas et que je m'en fous, je te réponds ouais ouais ouais. Je me casse pas la tête pour le refrain, je fais yeah yeah yeah. Ça a peut-être rien à voir mais je fais quand même yeah. Que la devanture des boîtes, sur le jarret, tape un client, bloque la voie de droite. Comprendre l'amour d'une femme vénale, c'est bidon et puis bon. Je suis pas stupide, minucide, y'a bien Cupid dans Cupidon. Les michto elles aussi veulent pigeonner à you. Crois pas que t'es dans le game juste parce que tu fais le signal. Joule, j'ai comme cette meuf à la salle qui a les fesses plates en vrai. Pour faire ses selfies, elle se casse le dos pour paraître cambré. Narchetan, elle sort avec des kayaks pour faire la tuck. Prouve-moi le contraire ou ferme ta gueule. Génération qui vit qu'à travers les réseaux, qui apprend à faire l'amour avec des gonzos. Puis t'étonnes pas que le modèle de ta sœur, c'est plus ta mère mais la bimbo qu'elle voit à l'écran. Tout pour le paraître, tout pour le buzz et réussir seul. Mon relot, y'a plus de petits et de grands. Je me casse pas la tête pour le refrain, je fais yeah yeah yeah. Ça a peut-être rien à voir mais je fais quand même yeah yeah yeah. Comme Young M, yeah yeah. Je refais yeah.